Dernier bloc de l'émission d'aujourd'hui, le bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien. Et c'est avec grand plaisir que je vais vous faire entendre la nouveauté de Loïc Morin. Et oui, Loïc Morin qui sera en spectacle en passant. Il sera avec le Vancouver Metropolitan Orchestra. Ça sera le 17 novembre prochain au River Rock Casino Resort à Richmond. Donc, ça, les portes ouvrent à 19h. Et puis, lui qui vient de lancer un nouvel album, Citadelle, que j'ai hâte de recevoir. Donc, Loïc Morin, il me l'avait promis, du nouveau matériel. On va entendre Fantôme dans quelques instants. Vous allez voir, assez intéressant, merci. Il y a aussi Justin Lacroix Band qu'on va entendre avec À Jamais. Lui qui sera en spectacle le 15 novembre prochain du côté du Backdrop à Ottawa avec Christine Saint-Pierre et aussi Serge Monette. Donc, ça risque d'être une très belle soirée, ça, avec ces trois artistes-là. Ça va être magique. Donc, ça, c'est le 15 novembre prochain au Backdrop du côté d'Ottawa. Avis aux intéressés, qui sera dans la région de la capitale nationale. On va entendre, comme je vous disais, À Jamais de Justin Lacroix Ban. Est-ce qu'il est en train d'écrire des nouvelles chansons? On ne sait pas. On va mettre un homme là-dessus, tiens, pourquoi pas. Mais comme à l'habitude, vu que c'est les 25 ans de Canrock, on essaie de débuter avec une chanson souvenir. Et là, j'en ai toute une tirée d'un album « Toi du monde » d'une formation qui s'appelle « Soir de semaine » du Yukon au Canada, et oui. Et assez intéressant, merci. J'adore ça. À chaque fois que je la joue, je capote. J'adore cette chanson-là. Voici tout simplement la chanson « Lighter » de « Soir de semaine » en direct du Yukon. Oui, mesdames et messieurs. Salut, nous ramène à nous-mêmes. soleil de minuit, enflammer la mèche du rêve de ma vie. J'aimerais voyager comme un rayon à l'intérieur de mes émotions. Un coup d'anse sur moi qui est pas normal. On s'en fiche ce qui est normal. Et t'as-tu vu mon lighter? T'as-tu vu mon de la terre, paradoxalement nous ramène à nous-mêmes. Les filles jamais. Si j'arrivais à tenir les rênes, piétiner tout ce qui me gêne, au moins m'agripper. Mais Justin sert avec les jambes, guide avec ton âme, tu y arriveras. À jamais j'allais, je reste arrivé. À jamais je chanterai ton envolé. À jamais tu resteras reine de mes rêves. À jamais, à jamais. Ceux qui écoutent l'émission depuis très longtemps savent que j'adore les longues chansons avec beaucoup de bonnes parties instrumentales. Eh bien, j'ai le temps d'en jouer deux de ces chansons-là. Il y a premièrement le sanglier de Eve and the Talent. Faites eveandthetalent.com. Allez découvrir l'univers de ce gars-là. Eve, vraiment intéressant. Un peu progressif comme son, mais très bonne musique, très bon texte. J'adore la chanson « Le sanglier ». C'est vraiment une très bonne pièce. On va l'entendre dans quelques instants. Par la suite, on va entendre « Petite fleur ». Je vous invite à aller faire un tour sur ma page Facebook de CanRock, CANROCK. Descendez et trouvez, je pense que c'est même dans le haut de la page, vous allez voir un lien pour aller regarder le vidéoclip de cette chanson-là de Pontex. Très beau vidéoclip, très bien fait, c'est magnifique. Donc on va entendre Petite fleur dans quelques instants. Mais là, pour l'instant, on y va avec une chanson qui s'appelle Le sanglier. Voici tout simplement la formation Eve and the Talent. En danger, quelque chose doit changer. La vie m'attend dehors et mon chien n'est pas mort. L'océan n'est pas loin, je dois suivre mon chemin. Mais je suis pris dans le nid du sanglier. Oui, je suis pris dans le nid. Cette créature enfouie me surveille jour et nuit. Je sais c'est très bizarre, mais je vis dans le noir. J'ai très bien m'en aller. c'est tout et dans le nid du sanglier. Shut up.